Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 mars 2012. On veut aussi parler à quelqu'un de l'AGEQTR, donc... Un camion a demandé un troisième engin. Un camion a demandé un troisième engin. Pointez-vous dans le studio, là. Des chais avec lesquels j'ai cuisiné. Oh oui, tu nous as fait un pain de viande semi-pain, pas tant à pain. Hein? Ouais, mais dans le fond, c'est pas véritablement un pain de viande, puisque dans le fond, c'est juste une superposition de viande à l'intérieur. Superposition de viande. Oui, super. On dirait une formule mathématique, superposition du pain. À tes souhaits. Ou une formule religieuse. Superposition du pain. Du père et du fils, on a du pain et du fils, non? Surtout qu'on est trois dans le studio, je pense qu'on pourrait faire le père, le fils et le Saint-Esprit. Wow. Je veux être le Saint-Esprit. Bon. Légèrement salé, poivré. Pas avec du poivre du moulin, parce que j'ai toujours pas mon moulin à poivre, j'attends que quelqu'un m'en offre. Non, du moulin à poivre, c'est rendu sans travail à poivre. Enfin. du moulin, c'est une joke de magasin d'électronique. Là. Du moulin François, je sais pas si t'as remarqué, là, mais tu m'as amené un journal avec un coin déchiré. Et dans certains pays, on vénère le zone campus comme étant un texte biblique. Biblique. Donc, je pourrais te faire envoyer biblique. Des pierres. Je te dis ça comme ça. Donc, si les étudiants payent plus, il y a moins d'étudiants à l'université. S'il y a moins d'étudiants à l'université, il y a moins de cerveau pour faire avancer le pays Québec ou le pays province Québec, peu importe nos positions. Je ne vais pas me prononcer sur mes positions, mais. Pas un peu. Hein? Ouais, je pense que. Tu l'as échappé, ça. Tantôt, on parlait de commando dans le domaine de la grève. Tantôt, non seulement commando, c'est bon, c'est aussi pas porter de sous-vêtements, on sait ça. Mais c'est aussi commande O sur le Mac pour ouvrir un fichier. Commande O. Donc, la chronique geek, c'est Yannick, tantôt, mais pour l'instant, sur les ondes d'audio d'ordre. J'ai fait trois liens en un. Hein? On se quitte avec une pièce des Bar Brothers, c'est Beggar in the Morning, parce qu'on vous supplie d'être là demain matin. On reçoit aussi, pour la première fois, en fait, trois candidats pour le même poste. Mm-hmm. Le poste de vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Donc, tous les autres affrontent la chaise. Exactement. Sur ces trois-là, ça s'affrontent ensemble. Tout à fait. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des chaises, mais ça va être pour se lancer dessus. Ça. Comme Jerry Springer. Non. C'est cette émission qu'on appelle communément Assemblage requis ou par son petit nom Ashrek. Mettons. Non, pas vraiment. Personne ne fait ça. Hein? Non. Je suis seul. Hein? Ouais. Ça semble aussi. Je te rejette. Toujours un succès, cette affaire. Always it. J'avais trouvé un bon acronyme pour la radio populaire ici à Trois-Rivières. Là. C'est Ne répète jamais les chansons. Oh! Ne répète jamais. Ouais. La formation, c'est The World et la pièce We Are 1980. T'as l'air de la fin de Foxy Shazam. Ouais, c'est ça, c'est je l'ai répété. Ouais. All right, this is WQRX. That was a new hit, but really? François était pareil comme la fin de cette chanson-là. Oui! Pareil. Ah, c'était écœurant. Ouais. Donc, c'est les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 19 mars 2012. Assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Louis Marchand et moi-même, Mathieu Plante. On a bien du plaisir. Cette semaine, on a reçu tous les candidats, ou presque, pour les élections de la GEQTR. Donc, si vous voulez vous renseigner, passez donc par les internets, sur les Facebook. On va mettre les portraits de chacun des candidats très bientôt. Les portraits dans le sens des figures, là? Ben, il va y avoir la photo, là, mais... Dans le sens que les gens vont juger selon la couverture du livre? C'est pas doyoulookgood.com, ça, là. C'est pas hot or not. Hot or not. C'est pas le but de la chose, là. Non, ah, ben là, je m'excuse. Je me suis confuse. C'était confusant. Ouais, je suis corrompu. Oui. Tel un certain gouvernement. Oh, hey, commentaire éditorial ici. Oh, mon Dieu!